Le Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 19 octobre le questionnaire ouvert à l'adresse de Park Geun-hye, qui se démène démesurément à la confrontation fratricide. En voici les questions. Tu ne veux pas encore reconnaître que les projets affichés jusqu'ici, comme le processus de confiance et la fortune d'unification, sont destinés à réaliser l'ambition chimérique de l'unification par absorption sous la baguette des États-Unis? Tu déclares officiellement les premières frappes en comptant sur les États-Unis, et est-ce que tu n'as aucun rapport avec la réduction en cendres de Séoul, y compris la Maison Bleue et de toute la Corée du Sud, par les représailles impitoyables et immédiates de notre part? Tu ne sais pas vraiment que l'incitation publique à la fuite du pays constitue le crime d'enlèvement impardonnable et anti-humain contrevenant au droit international et à la charte de l'ONU? Est-ce que tu peux avoir la responsabilité d'avoir dénaturé et diffamé sans fondement au cours de ton mandat par les fraudes, tromperies et démagogies le vrai aspect de notre République et nos efforts sincères pour l'amélioration des rapports Nord-Sud, tout en fomentant l'antagonisme envers les compatriotes? Il ne faut pas prendre la peine de nier notre réalité éclatante, ni boucher les oreilles et les yeux de la population sud-coréenne. Nous sommes disposés à ouvrir tout le passage, et si nous t'invitons à confirmer notre réalité de tes propres yeux, est-ce que tu peux l'accepter? Tu commets les forfaits de déshonorer d'une manière impertinente la dignité de nos militaires et civils, et de diffamer de façon scélérate la vie heureuse de notre peuple, et est-ce que tu es sûr de reconnaître tes crimes avant de comparaître devant le tribunal de notre République pour être jugé?